bien fait. C'est l'heure de partir en balade dans les coins les plus insensés. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pas une minute à perdre. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pas une minute à perdre. C'est l'heure de dire je t'aime, pas une minute à perdre. C'est l'heure de dire je t'aime, pas une minute à perdre.